C'est le cas de le dire. Salut. Pourquoi t'es venu ici? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. Ça ira mieux demain, piloté par Benoît et peut-être avec une invitée, non? Même pas. Ah, elle a mis un casque, elle a un micro, mais elle veut pas parler. Ah, c'est pas préparé. Moi, je ne prends pas les gens qui ne préparent pas leurs émissions avant. Hein, elle a rien préparé, donc voilà. Non, je plaisante. Dans le beau programme de cette émission qui a été préparée pendant un très long moment, une nouvelle série de Netflix polonaise. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de polonais dans Ça ira mieux demain émission. Et Netflix nous a sorti une petite bluette sympathique, ça s'appelle Mon cosmonaute. Je vous dirai le titre en polonais tout à l'heure, mais c'est une petite série sympathique, c'est notre parloir de la semaine. Des petites sorties, parce qu'en avril, tu le disais tout à l'heure, il ne faut pas se découvrir d'un fil, sinon on se prend des seaux d'eau sur la tronche, mais c'est aussi plein de nouveautés qui vont arriver tout au long de ce mois-ci, on les détaillera. Et on commence, on en avait parlé, tu affectionnes tout particulièrement Mylène Farmer. Oui, j'affectionne Mylène Farmer. Par contre, j'ai un petit problème avec le nouvel album. Mais regarde, ce titre-là, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, c'est le titre d'album. Ça s'appelle L'Emprise. Alors, c'est-à-dire que tu m'as bien vendu le titre, tu m'as dit, va la voir sur Internet, elle a une belle cravate. Ouais, elle a une belle tenue, tu l'as vu? T'as été voir Je bois tes paroles et je suis allé voir la belle cravate. C'est encore une très belle femme. Même si elle était moins belle qu'avant, une artiste, tu la prends comme elle est. Exactement. Hein. Non, mais je veux dire, elle est bien mise en valeur, elle est assez nature, on va dire, mais il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. C'est vrai qu'elle est magnifique comme cela. Et donc, c'est le titre de l'album, mais ça a été aussi repris pour la BO d'un film qui va sortir prochainement, Donjons et Dragons, tiré d'un jeu vidéo également. Oui. Hein. Et donc, celle qui fait la bande originale française, qui n'a absolument rien à voir avec la bande originale de départ. Pourquoi on a voulu mettre Mylène Farmer sur la bande originale de la série là? C'est un mystère qu'il faudrait peut-être lui demander. Certes, les paroles collent bien à ce film, mais bon, en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, allez voir ce clip. Voici en ouverture, donc Mylène Farmer, c'est la BO de Donjons et Dragons, voici L'Emprise. Alors moi, j'ai peut-être une explication par rapport à ce que tu viens de dire. Ah. Tu as dit tout à l'heure, enfin il y a quelques minutes, quelques secondes, pas besoin avec Mylène Farmer d'en faire des tonnes. Mmh. Et c'est vrai qu'avec cet album-là, t'as l'impression que les morceaux sont pas finis. Donc elle en a pas fait des tonnes. Donc peut-être qu'eux, ils ont choisi cette option-là en se disant, on va pas en faire des tonnes. Là, tu vois, on a l'impression que c'est une ébauche. Donc ça peut rendre service au film. Oui, il casse quand même, hein. Pauvre Mylène. Elle a pas besoin ni de toi ni de moi. Ah bah oui. Puis, disons que moi, je reste calé sur ces anciens titres où on avait des envolées, on était surpris dans l'orchestration des morceaux, alors que là, ça reste basique du début jusqu'à la fin. Bon, voici L'Emprise. C'est plus qu'une lancinante obsession, non de deux. son emprise la nuit, douce adrénaline. Sa force fait face à mon ennui, envahit l'esprit. C'est bien plus qu'une lancinante obsession. Mylène Farmer avec l'emprise, la bande originale du film Donjons et Dragons, qui sortira dans toutes les bonnes salles de France et de Navarre le 11 avril. À ne pas confondre avec la prise. Ouais, c'est ça. Sans transition, comment voulez-vous rebondir là-dessus ? À part le mettre des doigts dedans. Allez, donc notre parloir donc de ce jour, partons en Pologne, la ville du bon roi Stanislas, avant qu'il vienne à Nancy. Et les Polonais donc abreuvent régulièrement des séries sur Netflix qui cartonnent plutôt pas trop mal. Voici Mon cosmonaute. Ça ira mieux demain. L'émission. Si vous avez eu votre dose de thriller avec la série You, d'horreur avec Walking Dead, ou dans une moindre mesure The Last of Us, et de drame avec Outer Banks, vous ne serez donc pas contre une petite dose de science-fiction. Rappelez-vous que 2023 est l'année de la science-fiction en matière de séries. Saupoudrée d'une touche de romance, la série Mon cosmonaute a déjà l'air d'avoir conquis les abonnés Netflix, disponible depuis février sur la plateforme. Avant de s'atteler à vous raconter l'histoire, sachez que cette série a comme titre original Zievtsina Cosmonauta. Et vous aurez donc peut-être compris que cette série n'est pas américaine, mais plutôt polonaise. Première série polonaise à avoir sa chronique dans notre parloir, une série polonaise donc réalisée par Bartosz Prokowicz sur une idée de Jeremy Prokopowicz. Évidemment pas très connu dans nos contrées. Intéressons-nous donc à l'histoire de notre cosmonaute. Nikodem et Bogdan, pilotes de F-16 et amis, convoitent une place dans le cœur de la belle Martha. Mais la compétition ne s'arrête pas là, car ils formulent aussi tous les deux le vœu d'embarquer au sein d'une mission spatiale. Nico finit par l'emporter et par partir dans l'espace. Après avoir décollé pour une mission, la navette spatiale qui transportait donc le personnage principal, Nicodème, a disparu. Et alors que tout le monde le pensait mort, il atterrit sur Terre pas moins de 30 ans plus tard, en 2052. Plus surprenant encore que son retour, Nicodème n'a pas souffert du temps. Il n'a donc pas pris une ride et revient à l'âge auquel il est parti. Alors forcément, la science va s'intéresser à son cas. Mais comme une série Netflix n'est pas une série Netflix sans histoire d'amour, le retour de Nicodème, interprété par l'acteur polonais Jacek Ixnar, va bouleverser le quotidien de Maria. Cette dernière n'est nulle autre que la femme qui partageait la vie de l'astronaute avant sa disparition. Le problème, c'est qu'ils ont maintenant 30 ans d'écart. Nico est revenu. Il est en vie. 30 ans se sont écoulés. Et il n'a pas changé. Mais son retour remet tout en question. Je les aime tous les deux. Nico et Bogdan. La chance sourit aux audacieux un certain temps. Mon cœur a toujours balancé entre les deux. Moi ou Nico. Et quand j'ai enfin réussi à faire un choix, la vie en a décidé autrement. Je vais revenir. Pendant 30 ans, j'ai eu l'impression d'être spectatrice de ma vie. Je l'aimais, Bogdan. Et tu m'as menti. Comme si plus rien n'avait de sens. Je ne peux pas ignorer mes sentiments. Mais je ne peux pas non plus faire comme si ces 30 années n'avaient pas existé. T'es heureuse au moins. Le vieux Bogdan ou jeune Nico? Est-ce que l'amour a forcément une date d'expiration? Et dans Mon Cosmonaute, on retrouve des drones partout, des intelligences artificielles à tout va, les murs sont même remplacés par des écrans. Certains parlent même d'un mélange entre Top Gun et Interstellar. Et niveau complexité, la série Netflix se rapproche parfois du film de Christopher Nolan. Oui, puisque l'intrigue se déroule entre plusieurs époques, celle à laquelle Nicodème a disparu, en 2022, et celle à laquelle il est réapparu en 2052. Forcément, ce type de scénario peut vite perdre les internautes. Ce comeback, hautement improbable, donne ainsi une seconde chance à l'histoire d'amour avortée entre Nicodème et Martha. Une découverte choquante et improbable qui arrive jusqu'à être prise dès lors, déterminée à découvrir la vérité sur cette aberration. Donc, dans le rôle principal de la série, on retrouve Jacek Ixnar. Ce jeune comédien polonais décroche avec Mon Cosmonaute son premier rôle principal dans un projet d'une telle envergure. La comédienne Magdalena Sieleka campe la fameuse Martha à l'époque du retour du héros, alors âgée de plus de 50 ans. Tandis que Vanessa Alexander l'incarne dans sa jeunesse. La série va donc osciller entre ces deux périodes avec des allers-retours quasi permanents que Laurent affectionne particulièrement depuis Lost. La première saison du programme, composée de 6 épisodes, est donc disponible depuis le 17 février en exclusivité sur Netflix. La série est louée pour son atmosphère, assez bien réussie, tout comme ses décors, qui mêlent le réalisme photographique à la science-fiction des nouvelles innovations technologiques. Attention, si vous cherchez de l'action, vous serez sans doute un peu déçu, car le rythme est plutôt lent et laisse le temps au personnage de s'installer. C'est l'humain qui prédomine, et c'est peut-être les rapports humains et cette histoire romantique qui en font un succès sur la plateforme. Quelques critiques ici ou là. Cette romance sensuelle mêlée à de la science-fiction est un vrai petit bijou. Rarement une série m'aura autant transporté, donné de frissons. Un travail remarquable au niveau de la photographie et de la réalisation, et une bande-son de toute beauté. Si vous recherchez une série romantique qui change, mêlée de suspense, vous êtes au bon endroit. Ou encore, j'ai beaucoup aimé, c'est original et frais, j'ai rarement regardé une série aussi rapidement, vivement une saison 2. Certains critiques pointent la bande-son, toujours au centre de notre rubrique, vous en avez désormais l'habitude, une musique qui porte et sublime la série. Alors, prêt pour tenter l'aventure et de vivre 6 épisodes de 50 minutes en compagnie de mon cosmonaute? Oui, s'il y avait peut-être quelque chose à dire, c'est que le titre aurait pu être un peu plus recherché. Et de découvrir le devenir de cette belle histoire d'amour impossible, une saison 2 est possible. Alors, à suivre, et direction Netflix. Astro, non. Vroom vroom, et nous sommes partis dans l'espace. Et on est revenu. Ils ont changé les moteurs des fusées. Ah oui, non mais... on a pas, ici on a un budget, on n'a pas le budget de la métro Goldwyn-Mayer. Allez, tout de suite. Oui. Le palais. Bienvenue au palais. Bienvenue au palais. Alors en mars, qu'est-ce qu'on a eu en mars? Bah ça repart, hein. on a eu, ça repart, c'est reparti avec The Mandalorian, hein, avec Disney+, avec Grogu, que l'on adore, que l'on voit, que l'on n'arrête pas de voir. Il y a eu la superbe série de Netflix, dont je vous ai parlé la semaine dernière, The Night Agent, voilà, et qui a déjà rencontré un tel succès, Manon, je peux te l'annoncer, tu n'écoutais peut-être pas quand tu es arrivé ici, mais une deuxième saison a déjà été commandée une semaine après sa sortie. Et c'est vrai que nous, on a regardé quoi, 2 épisodes. Ah, franchement, on accroche direct. Hein. On accroche direct, voilà. Tu vois, c'est pas moi qui le dis, c'est Manon. alors, que nous réserve Avril maintenant ? La plus grosse sortie d'Avril, eh bien, c'est une découverte de Laurent. C'est Laurent qui a été le premier à en parler et à le sortir de son petite escarcelle. On n'en avait pas entendu parler. Il s'agit de Citadel. Mais si, Citadel. Ah, tu m'as fait peur parce que, sur le coup, c'est toi qui trouves les nouvelles séries. Non, mais celle-là, regarde, on l'a vu dire. Elle est sortie de terre comme ça avec une bande-annonce. Une des premières bandes-annonces que l'on mettait assez récentes dans l'émission. C'est justement la bande-annonce qui m'a attiré l'œil parce que j'ai vu l'actrice passer. Je me suis dit, oh là, je la connais. Et ça débarque le 28 avril sur Prime Video. Et il s'agit de l'une des productions les plus attendues du printemps. Et pour cause, ce sont les frères Russo, rappelez-vous, le capitaine à qui l'on doit Captain America, Avengers ou Endgame, The Gray Man, qui sont aux commandes, avec un budget estimé à plus de 200 millions de dollars. Elle est la deuxième série la plus chère de l'histoire après... Après 24 heures chrono. Non, après... The Last of Us. Non. House of Dragon. Mais non, l'autre. Les Anneaux du Pouvoir. Voilà. Ça en a fallu quand même, de le dire. Et nous suivrons dans The Show... Moi, je suis un simple réalisateur, hein. Moi je suis pas animateur. Hein. Non pas Laurent, qui n'a perdu la mémoire, mais une jeune femme qui a perdu la mémoire. Un jour, un homme vient à sa rencontre avec les réponses sur son passé. Ils travaillaient ensemble dans une agence d'espionnage international. Voilà. Donc après, The Nightman, The Night Agent, où là on est encore aussi, on parle d'espionnage, eh bien la Citadelle nous parlera aussi d'espionnage. Et apparemment, c'est le début d'une multitude. Tu l'avais dit, effectivement, ça pourrait être décliné voilà. En plein de séries et plein de personnages. Le 27 avril également, ça on n'en a pas parlé, mais on avait adoré, Manon, The Sweet Tooth, saison 2. Ah oui, effectivement. Voilà, ce charmant petit bambin qui a des cornes, voilà, et des poils partout. Puisqu'il je connais le Bluetooth, mais alors le Sweet Tooth... Et en fait, c'est un enfant hybride, c'est très à la mode, tout ce qui est le concept hybride en ce moment. Donc c'est un enfant hybride, puisqu'il est à moitié enfant et à moitié reine. Reine des neiges ? Reine, l'animal. Le Père Noël ? Voilà. qu'est-ce que l'on attend également au mois d'avril ? Un truc assez marrant, Prime Video à fond les manettes. Hein. Prime Video, on avait dit qu'il montait en puissance, bah, ça se confirme. Un petit truc français, salade grecque. Ça ne vous dit pas grand-chose, salade grecque, mais c'est la suite de l'Auberge espagnole. Alors, Manon n'a pas vu le film, mais Laurent, tu te rappelles de ce film ? Ça fait 21 ans, l'Auberge espagnole. C'était Romain Duris, tu sais, qui partait à Barcelone et qui faisait sa vie, qui rencontrait plein d'étudiants pour faire des études. Eh bien, en fait, ce sont les aventures des enfants de Wendy et Xavier qui vont se retrouver en Grèce, plus spécialement à Athènes, pour un nouveau projet. Donc, ils vont, voilà, une autre vie étudiante et ça va se passer en Grèce. Alors, après l'auberge espagnole, voici la salade grecque. D'où le... Tu vois, le... Alors là, ça me... heureusement que je suis assis. Hein. D'accord. J'ai failli perdre pied. Eh bien, relève-toi. Ou ne tombe pas, plutôt. Oui, c'est plutôt ça. Et enfin, une petite dernière, par exemple, sur Apple TV, qui elle aussi, on entend beaucoup parler, la dernière chose qu'il m'a dite, avec Jennifer Garner, qui est la star de cette nouvelle série. Elle incarne Anna, une femme qui essaie de tisser des liens avec sa belle-fille de 16 ans, prénommée Bailey. Un jour, son mari va mystérieusement disparaître, et en tentant de le retrouver, Anna va découvrir qu'il cache bien des secrets. Voilà, c'est l'adaptation d'un roman de Laura Dave, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, un best-seller aux États-Unis. Voilà, 7 épisodes qui seront à découvrir à partir du 14 avril prochain, avec un épisode par semaine. C'est bien, c'est ce concept. Ça revient un peu à la mode, comme d'ailleurs certaines séries à succès. Voilà, bah, je crois qu'on va s'arrêter là, il est 19h31. Oui. On va se quitter avec Pierre. On peut se quitter avec Pierre, Pierre Demer, bien sûr, notre ami belge avec son nouveau single, Enfant 2. Moi, je vous retrouve dans 29 minutes maintenant pour le Hot 40, la révélation du nouveau classement. Et on se retrouve, Laurent, la semaine prochaine, même heure, même lieu. Exactement. Bon week-end, bonne semaine à l'écoute des programmes de Fadjet. Et on se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles infos. Oui. Voici Pierre. Demer. Enfant 2. De...